172e nuit. La vieille, dit le barbier, continua de parler à Bagbara. « Il ne vous reste plus, ajouta-t-elle, qu'une seule chose à faire et ce n'est qu'une bagatelle. Vous saurez que ma maîtresse a coutume, lorsqu'elle a un peu bu comme aujourd'hui, de ne pas laisser approcher ceux qu'elle aime, qu'ils ne soient nus en chemise. Quand ils sont dans cet état, elle prend un peu d'avantage et se met à courir devant eux par la galerie, et de chambre en chambre, jusqu'à ce qu'il l'ait attrapée. C'est encore une de ces bizarreries. Quelque avantage qu'elle puisse prendre, léger et dispo comme vous êtes, vous aurez bientôt mis la main sur elle. Mettez-vous donc vite en chemise, déshabillez-vous sans faire de façon. » Mon bon frère en avait trop fait pour reculer, il se déshabilla. Et cependant, la jeune dame se fit ôter sa robe et demeura en jupon pour courir plus légèrement. Lorsqu'ils furent tous deux en état de commencer la course, la jeune dame prit un avantage d'environ 20 pas et se mit à courir d'une vitesse surprenante. Mon frère la suivit de toute sa force, non sans exciter les rires de tous les esclaves qui frappaient des mains. La jeune dame, au lieu de perdre quelque chose de l'avantage qu'elle avait pris d'abord, en gagnait encore sur mon frère. Elle lui fit faire 2 ou 3 tours de galerie, et puis enfila une longue allée obscure, où elle se sauva par un détour qui lui était connu. Bagbara, qui la suivait toujours, l'ayant perdue de vue dans l'allée, fut obligée de courir moins vite à cause de l'obscurité. Il aperçut enfin une lumière vers laquelle, ayant repris sa course, il sortit par une porte qui fut fermée sur lui aussitôt. Imaginez-vous s'il eut lieu d'être surpris de se trouver au milieu d'une rue de corroyeurs. Ils ne le furent pas moins de le voir en chemise, les yeux peints de rouge, sans barbe et sans moustache. Ils commencèrent à frapper des mains, à le huer, et quelques-uns coururent après lui et lui cinglèrent les fesses avec des pots. Ils l'arrêtèrent même, le mirent sur un âne qu'ils rencontrèrent par hasard, et le promenèrent par la ville exposé à la risée de toute la populace. Pour comble de malheur, en passant devant la maison du juge de police, ce magistrat voulut savoir la cause de ce tumulte. Les corroyeurs lui dirent qu'ils avaient vu sortir mon frère dans l'état où il était, par une porte de l'appartement des dames du grand vizir, qui donnait sur leur rue. Là-dessus, le juge fit donner au malheureux Bagbara 100 coups de bâton sur la plante des pieds, et le fit conduire hors de la ville, sans défense d'y entrer jamais. « Voilà, commandeur des croyants, dis-je au calife Mostanzer Bilal, l'aventure de mon second frère que je voulais raconter à votre majesté. Il ne savait pas que les dames de nos seigneurs les plus puissants se divertissent quelquefois à jouer de semblables tours aux jeunes gens qui sont assez sots pour donner dans de semblables pièges. »